Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'aventure avec un grand A, l'exploit technologique et humain, celui de Youri Gagarin, le premier homme envoyé dans l'espace, c'était le 12 avril 1961. L'exploit, bien sûr, mais aussi l'acte politique majeur. En pleine période de la guerre froide, avant le mur de Berlin et avant la baie des Cochons, c'est en effet la route vers l'espace qui devient le premier théâtre des affrontements entre les États-Unis et l'URSS, et donc entre les deux blocs. Un duel à distance où chacun avance ses pions plus ou moins bruyamment. L'un comme l'autre sont sûrs d'être les premiers. L'Est et l'Ouest veulent ainsi prouver la supériorité de leur modèle. C'est après son départ que le monde découvre alors le nom et le visage de Youri Gagarin, le premier humain qui a passé la frontière fascinante de l'espace, au-delà des nuages, au-delà de l'atmosphère et de l'air qu'on respire. Dans la presse, on le dépeint souvent comme un Christophe Colomb ou un Pierre Curie, mais une sorte de grand explorateur, comme ça, découvreur, éclaireur de lieux inconnus pour notre monde. Pourtant, Gagarin n'étant rien un navigateur ou un scientifique, son parcours et son voyage ressemblent plus à la découverte de la grotte de Lascaux par quatre gamins qui se seraient retrouvés nez à nez devant des peintures du Paléolithique. Gagarin a découvert le cosmos un peu par hasard. Hasard d'une campagne de recrutement, d'un physique et d'une psychologie à toute épreuve, le hasard d'une vie qui symbolise parfaitement l'homme soviétique. Pendant une heure, nous allons reprendre la route de ce destin qui fit de Gagarin l'un des hommes les plus célèbres du XXe siècle. Nous le suivrons de sa préparation rapide jusqu'à sa révolution autour de la Terre, rapide aussi, et son retour parmi nous, simple terrien. Durant l'émission, vous entendrez la voix de Youri Gagarin lors de son voyage cosmique. Certains enregistrements sont authentiques, d'autres en revanche sont le fruit d'un enregistrement après le vol. En vérité, le rôle de Gagarin durant cette mission s'est limité à celui d'un reporter radio. C'est donc grâce à ces mots que nous imaginerons ce voyage. La conquête spatiale est aussi une aventure du son. En seconde partie d'émission, nous recevons Yves Gauthier, auteur de la biographie la plus complète de Gagarin, grâce aux archives russes. Il sera en duplex d'Orléans. Avec lui, nous reviendrons sur la vie de ce héros de l'URSS, de son vol de 108 minutes dans l'espace jusqu'à sa mort 7 ans plus tard. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Ce 12 avril 1961, quand sonne 10 heures au carillon de la tour Spasskaya de la Place Rouge, la nuit ne fait que commencer aux États-Unis. En Floride, près de la ville d'Orlando, où se situe la base de lancement de Cap Canaveral, Alan Shepard, Gus Grissom et John Glenn dorment, sans doute. Le 3 mars 1961, ces trois noms avaient fait la une du magazine Time, avec comme titre « Astronaut First Team ». Depuis la création de la NASA en 1958, l'espace n'est plus un simple rêve d'écrivain ou de cinéaste, mais bien un horizon que les Américains souhaitent atteindre les premiers. Le 24 mars 1961, les ingénieurs de la NASA effectuent un dernier test, un dernier lancement sans astronaute. Le vol se déroule normalement. Désormais, dans tout le pays, on attend l'annonce de la grande date et le nom du premier homme à atteindre l'espace. Ce 12 avril 1961, quand sonne 10 heures au carillon de la tour Spasskaya de la Place Rouge, à une quarantaine de kilomètres de là, Valentina donne la tétée à sa fille, Galina, pendant que Elena, son autre enfant, finit son petit déjeuner. Valentina est l'une des femmes parmi les candidats cosmonautes de la Cité des Étoiles soviétiques. Elle est arrivée ici un an plus tôt avec son mari, un certain Youri. En URSS, c'est dans cette cité que se construit et s'imagine la route vers le cosmos. Oh, le site n'a rien de grandiose, rien n'y brille, rien ne s'illumine. C'est un ensemble de bâtiments modestes et bien rangés, à la soviétique. Les lieux de vie sont spartiates, les infrastructures imposantes, mais jamais étincelantes. Ici, les candidats de la conquête de l'espace s'entraînent, se préparent, patientent, pendant que les ingénieurs fabriquent, tâtonnent, calculent un itinéraire vers l'espace. Et ce 12 avril 1961, partout où l'on capte Radio Russie, peu après 10 heures, une voix interrompt les programmes. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Il s'agit de Youri Levitan, la voix officielle de l'Union soviétique. Un petit homme aux lunettes rondes, à la voix chaude et rassurante. Il est la voix de Radio Moscou qui annonce les victoires et change les défaites en de nouveaux départs. Et c'est évidemment lui qui annonce... 12 avril 1961 года. Aujourd'hui, 12 avril 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau Sputnik cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, a été placé sur son orbite autour de la Terre. Le pilote cosmonaute du vaisseau Sputnik cosmique Vostok est un citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le pilote commandant, Yuri Gagarin. Un homme est dans l'espace. Il s'appelle Yuri Gagarin. Valentina ne savait rien et apprend par la radio que son mari est dans l'espace. Est-elle fière ou inquiète de ce départ sans au revoir? À plusieurs centaines de kilomètres d'elle, dans le village de Klushino, les parents de Gagarin n'ont rien su. Sa mère est chez elle en train d'éplucher les pommes de terre quand l'une de ses belles filles l'interrompt pour lui annoncer la nouvelle. Son père, lui, l'apprend à son retour au village. Est-ce bien leur fils de 27 ans qui est là-haut dans les étoiles? Et puis, pourquoi parle-t-on d'un major? En quelques minutes, la nouvelle dépasse les frontières. L'onde de choc devient planétaire. À Paris, après un premier flash, le nom du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, est annoncé par l'AFP à 8h10. Alors, comme par réflexe, des rues de Paris à celles de Pékin, des steppes russes aux plages de la côte est américaine, on lève la tête vers le ciel. Un homme est là-haut, au-delà des nuages. Que voit-il? Et quand reviendra-t-il? 12 avril 1961. Ce jour-là, à 400 km de la ville de Baïkonour, se dresse le cosmodrome soviétique, centre spatial situé au centre du Kazakhstan. Ici, les étés sont torrides et l'hiver glacial, mais le ciel y éclaire près de 300 jours par an. À l'aube, on réveille Gagarin et sa doublure. On ausculte une dernière fois les corps et les âmes des deux cosmonautes, puis les deux hommes enfilent leur tenue orange et placent leur scaphandre, outil indispensable à leur survie. Tout de blanc vêtu, avec comme seule indication les quatre lettres CCCP, signifiant l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, URSS, dans les autres langues. Sur les images de ces instants historiques, Yuri Gagarin semble serein et ne communique aucun stress. Les deux hommes prennent ensuite le bus qui les achemine sur le pas de lancement numéro 1. Ici se trouve le vaisseau spatial Vostok, qui signifie l'Orient, installé sur la fusée 8K-72. Gagarin descend, prend place sur le monte-charge, fait un geste de la main à ses amis et aux responsables du programme. Sa doublure, Titov, lui bien sûr, reste à quai. Son tour viendra plus tard. Gagarin est accompagné de deux ingénieurs et d'un caméraman. On installe dans le Vostok une sphère de 2,30 m de diamètre. Il est allongé sur le dos, le regard en direction du ciel. Gagarin est là, tout en haut de cette fusée haute de 38 mètres, munie de 3 étages et d'une coiffe, pour une masse totale de 287 tonnes. À l'intérieur de Vostok, Gagarin voit le panneau de contrôle, où il peut observer les indications de vol, la durée, la température, l'humidité, le niveau d'oxygène et de CO2. Durant son installation, les ingénieurs ont du mal à verrouiller correctement la trappe numéro 1. Après plusieurs minutes de réparation, tout rentre dans l'ordre. On effectue les derniers tests radio, les derniers branchements. Le cosmonaute, lui, est serein, toujours. Ses pulsations restent stables. Il demande même un peu de musique pour diminuer l'attente. À 15 minutes du décollage, il enfile ses gants hermétiques et baisse la visière de son casque. À 1 minute du décollage, Aube 1 donne les dernières indications à Gagarin. Écoutons ces derniers instants. Sèvres, ici Aube 1. Me recevez-vous 1 minute avant le lancement. Compris, ici Cèdre. 1 minute avant le départ. J'étais en train de me mettre en position départ. Voilà pourquoi j'ai tardé à vous répondre. Clé en position. Expulsion. Expulsion. Clé de drainage. Clé de drainage. Cèdre, ici Aube 1. Allumage. Reçu. Je suis prêt. Premier étage. De deuxième. Lancement exécuté. Nous vous souhaitons un bon vol. C'est parti. Ça y est, Gagarine est dans les airs, direction l'inconnu. L'homme qui lui parle sur la terre ferme, le dénommé Aube 1, c'est Sergueï Korolev. On ne connaîtra son nom qu'à sa mort en 1966. Il est pourtant l'ombre de cet exploit, le second nom qu'on accolera bientôt à celui de Gagarine. Derrière cette voix se cache un homme de 54 ans, au destin incroyable. Né en Ukraine en 1909-1907, il a 10 ans quand la Russie tsariste bascule dans la révolution de février. Il a 22 ans quand il termine ses études à l'Université technique de Moscou et devient ingénieur dans l'aéronautique. Durant ces années, il est à l'origine du tir historique de la fusée Georges 9 et il publie un ouvrage sur les vols stratosphériques. Pourtant, en 1938, sa vie et ses travaux s'interrompent. Arrêté, puis emprisonné, il est l'une des victimes des grandes purges staliniennes. Il passe la guerre dans un goulag. En 1944, il est rappelé et libéré pour reprendre ses travaux et permettre à l'URSS de rattraper son retard dans la course à l'armement, en particulier dans le domaine des missiles balistiques puissants. 10 ans après la capitulation d'Allemagne, le 29 juillet 1955, le président américain Dwight Eisenhower annonce le lancement d'un programme qui vise la mise en orbite d'un satellite artificiel avant l'année 1958. Le lendemain, par la voix de Leonid Sedov, les soviétiques répliquent et annoncent le même objectif. La course vers les étoiles est lancée. Le 14 octobre 1957, le vainqueur est désigné par ce son. Première manche, première victoire soviétique. Pourtant, depuis des semaines, les Américains présentaient leurs satellites sous toutes les coutures. Mais leurs fusées n'étaient pas prêtes. Côté russe, ce sont les recherches autour du laboratoire satellite qui ont pris du retard. Alors, munis d'une fusée porteuse assez puissante, ils envoient, le 4 octobre 57 donc, un engin muni seulement de 2 émetteurs radio. C'est une boule d'aluminium de 58 cm de diamètre qui porte le nom de « Spoutnik ». Ce satellite, le premier de notre histoire, n'est rien d'autre qu'un émetteur radio. Fiers de ce premier succès que les éditorialistes américains qualifient de Pearl Harbor technologique, les soviétiques accentuent leur avance. Ils envoient un premier être vivant dans le cosmos, une chienne du nom de Laïka, puis en 1959, ils photographient la face cachée de la Lune. 2 ans plus tard, Gagarine est dans l'espace. 5 minutes après le décollage, il fait le point avec Korolev. Aurore, ici Cèdre. Je me sens très bien. Je continue le vol. L'accélération s'intensifie. Les vibrations aussi. Mais je supporte tout très bien. Je me sens très bien. Mon moral est bon. J'observe la Terre à travers le hublot. Je distingue les plis de la Terre, la neige, la forêt. Je me sens très bien. À vous. À ce moment précis, Gagarine est encore en phase ascendante. Avant d'entrer dans l'espace, c'est la Terre qu'il voit s'éloigner. Il observe tous les reliefs, les forêts, les rivières, d'une hauteur encore jamais atteinte. Mais cette Russie natale qu'il quitte, il ne la verra peut-être plus jamais. Y pense-t-il ? Cet homme qu'on envoie vers l'inconnu est père de 2 enfants. Il n'est ni ingénieur, ni voltigeur. Originaire d'un petit village à côté de la ville de Gzakst, sa scolarité se déroule sans histoire. Il suit des études techniques et obtient un diplôme de fondeur. Mais jamais frondeur, en 1958, il devient élève officier de l'armée de l'air. 2 ans plus tard, il est sélectionné parmi 3000 autres pilotes pour un programme dont il ne connaît ni la finalité ni l'enjeu. Ils sont tous âgés de moins de 30 ans, mesurent tous moins d'1m70. Session après session, ils accumulent les épreuves physiques et psychologiques. 20 hommes, dont Yuri, sont finalement sélectionnés pour débuter la seconde phase d'entraînement. Lors de cette formation rapide, l'enjeu n'est pas de répéter des exercices de décollage, d'amérissage ou de sortie extravéhiculaire, mais de résister physiquement et moralement à ce saut dans l'inconnu. Au programme de ces sessions d'entraînement s'enchaînent des vols aériens, des simulations d'apesanteur, des tours en centrifugeuse, de multiples sauts en parachute, mais aussi des séjours prolongés dans des chambres sourdes ou dans un scaphandre où l'air est tantôt sec, tantôt humide. Autant de réjouissances à côté desquelles le manège le plus violent de chez Euro Disney fait figure d'aimable plaisanterie. Après plusieurs semaines de préparation, on leur dévoile enfin le but de ces exercices. C'est Korolev en personne qui leur présente le Vostok, qui emmènera l'un d'entre eux dans l'espace. Ce jour-là, selon la légende, Yuri se serait installé pour la première fois dans le vaisseau pieds nus. Il aurait retiré ses chaussures à la paysanne, comme on entre dans une maison traditionnelle russe. Dix jours avant son départ pour l'espace, le 2 avril 1961, Yuri et cinq autres cosmonautes sont transportés à Touratam, où se trouve la base de lancement du vaisseau. Le 8 avril, Gagarine est convoqué avec Titov par Nikolaï Kamanié, responsable des entraînements des cosmonautes soviétiques. Sans célébration ni flagornerie, il leur annonce que le choix s'est porté sur Yuri pour ce premier vol. Titov sera sa doublure. Bien. Mais pourquoi Gagarine? Eh bien, pour son endurance physique et mentale, sa bonne humeur, son intelligence, mais aussi pour sa vie. Car de chaque exploit naît un héros et la biographie de celui-ci doit être irréprochable. Fils d'un père charpentier, d'une mère ménagère née en Ukraine, ouvrier avant de devenir élève pilote, il a tous les attributs de l'homme du peuple, symbole politique par excellence, l'homme soviétique idéal. On ira même jusqu'à rejouer devant les caméras la scène de l'annonce du candidat choisi deux jours avant son envol. Comme décor, les responsables de la propagande choisissent une petite salle où un grand tableau du visage de Lénine domine l'assemblée. En habit d'apparat, on place autour d'une table les plus hauts responsables en charge du département spatial. Et Gagarine est désigné. On l'applaudit chaudement, puis l'élu se lève et récite un texte mûrement préparé. Permettez-moi, camarades, d'assurer notre gouvernement soviétique, notre parti communiste, et tout le peuple soviétique, que j'accomplirai dignement la tâche qui m'a été confiée. Je trace le premier chemin dans l'espace. Si je rencontre des difficultés, je les surmonterai comme tout bon communiste. Le soir même, il écrit une lettre pour sa femme, Valentina, tenue au secret de ce voyage extraterrestre. Pour la première fois, il laisse tomber le masque du type sûr de lui. Certes, il est fier de lui annoncer qu'il a été choisi pour cette mission historique, mais il imagine le pire, ne pas revenir. Alors, il la remercie et demande de prendre soin de leurs enfants, au cas où. Mes chers, mes tendres petites Valetchka, Lenochka et Galochka, je me décide à vous écrire ces quelques lignes pour me confier et vous faire partager la joie et le bonheur qui m'échoient aujourd'hui. La commission d'État a décidé de m'envoyer le premier dans l'espace. Je vous demande à vous toutes et surtout à toi, Valouchia, de ne pas mourir de chagrin. La vie est ainsi faite et nul ne peut jurer qu'il ne sera pas écrasé demain par une voiture. De grâce, prends soin de nos fillettes. Aime-les comme moi je les aime. N'en fais pas des chochottes, des petites filles à leur maman, mais de vraies personnes qui n'aient pas peur des mauvais coups de la vie. J'espère que tu ne recevras jamais ces mots, et que j'aurai honte devant moi-même de cette faiblesse passagère. Mais s'il arrive quelque chose, tu dois tout savoir jusqu'au bout. Et il conclut sa lettre par ces mots. À ce jour, j'ai vécu honnêtement dans le juste chemin, en rendant service aux hommes, quoique d'une façon modeste. Il y a longtemps, dans mon enfance, je me souviens d'avoir lu ces lignes de Tchkalovsk. Tant qu'à être, mieux vaut être le premier. Je m'efforce de l'être et je le serai jusqu'au bout. Le lendemain, il s'envole vers les étoiles. Il restera jamais le premier. Thank you. Aurore 3, ici Cèdre. Le vol se passe bien. La sensation d'apesanteur est bonne. Je me sens très bien. Tous les indicateurs et le système marchent bien. 20 minutes après le départ, ce sont juste ses mains qui lui donnent cette sensation d'apesanteur. Car Yuri Gagarin ne peut ni bouger, ni ne se détacher de son siège pour profiter de ce corps sans poids, léger et volant. Dans le Vostok, tout est prévu pour que le vol se déroule sans que le cosmonaute n'ait besoin de piloter, sauf en cas d'extrême nécessité. Son rôle se limite à l'observation du vol, de la Terre, de l'espace. Assis, le regard fixé sur les hublots, en bon cosmonaute reporter, il raconte ce qu'il voit. Les étoiles sont visibles dans le Vzor, comme les étoiles bougent. C'est vraiment magnifique. Le vol se poursuit dans l'ombre de la Terre. Ces informations fascinantes ne sont pas reçues seulement par les différentes bases ou bateaux soviétiques placés sur sa trajectoire, non. En survolant les îles Aléoutiennes situées entre la Russie et l'Alaska, un navire américain capte des conversations de l'homme de l'espace. Le président Kennedy est prévenu dans la foulée, soit près de 30 minutes avant que l'agence TASS annonce officiellement la défaite des États-Unis dans la course aux étoiles. À peine le communiqué de Yuri Levitan est-il diffusé que les journalistes du monde entier descendent dans la rue et tendent leur micro, comme ici à Paris. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris la nouvelle? J'ai été très étonnée et enfin heureuse, enfin pour le monde. J'estime que c'est quelque chose de formidable et j'espère que les hommes seront assez intelligents pour mettre à profit cette expérience pour le bien de l'humanité. Ben, je trouve ça très bien, mais c'est très tout à fait nouveau, hein. Évidemment, les Russes sont très en avance pour envoyer cette chose-là dans l'espace, un homme. Ben, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je regrette seulement que ce ne soit pas les Américains qui aient réussi cet exploit avant les Russes. J'aurais été beaucoup plus flatté. Enfin, j'espère quand même qu'ils se rattraperont. Ben, c'est bien, mais je voudrais que la France en fasse autant aussi. C'est tout ce que ça vous a fait comme impression? J'espère qu'il n'a pas eu trop de mal à avoir monté et puis à descendre aussi. Alors que le monde scrute le ciel et espère voir un signe de l'homme de l'espace, Yuri Gagarin lui entame sa descente. Il ferme le hublot, baisse sa visière. C'est l'étape la plus laborieuse de son voyage. Longtemps, ces minutes ont été tenues secrètes, car malgré la croyance de l'époque, le voyage ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Après une orbite complète, les rétrofusées sont mises à feu pour freiner la course des Vostok et permettre l'entrée du vaisseau dans l'atmosphère. À son extinction, l'engin pivote sur son axe de plus en plus vite. Yuri Gagarin voit passer la Terre, le ciel, puis l'horizon céleste, tour à tour, sans cesse, de haut en bas. Après l'extinction des rétrofusées, le module de service aurait dû se séparer de ces rétrofusées, mais rien n'y fait. Gagarin tourne en rond, ballotté entre l'espace et l'atmosphère. Mais il ne panique pas et décide alors de fixer sa montre du regard. Il prévient la base, sans s'affoler, puis attend dans son vaisseau, secoué comme un prunier. Au bout de 10 minutes, avec la pression du frottement atmosphérique, la séparation s'effectue enfin. Il traverse l'atmosphère où le Vostok se consume peu à peu. La chaleur est alors à son paroxysme et la décélération retombe. Puis il entend un sifflement d'air comme un avion qui coupe les gaz et pique vers le vide. À 7000 mètres d'altitude, le couvercle de la trappe numéro 1 s'éjecte comme prévu. Puis c'est Gagarin qui est éjecté du vaisseau comme prévu. Le parachute stabilisateur s'ouvre, puis le principal qui prend la relève. Yuri Gagarin croit reconnaître la Volga en espérant ne pas tomber dedans. Finalement, il atterrit sain et sauf sur Terre. Fin d'un voyage de 108 minutes dans les étoiles. À 10h55, heure de Moscou, le revoilà terrien parmi les siens. Autre moment fascinant, Yuri Gagarin atterrit près du village d'Ouzmori, sur la rive gauche de la Volga. Une femme et une fille sont là. Elles l'ont vu tomber du ciel habillée de sa combinaison orange et de son scaphandre. Alors, pour ne pas les effrayer, Gagarin prononce ces mots. Je suis des vôtres, un soviétique. » Histoire de leur faire comprendre qu'ils ne viennent pas de croiser un extraterrestre. Quelques minutes plus tard, d'autres inconnus viennent à sa rencontre et ils entendent les premières confidences de cet homme de l'espace dont la radio parle tant. L'arrivée, ensuite, emmène Gagarine pour effectuer les premiers tests et noter ses observations. Pour tous les autres soviétiques, il faudra attendre 11 heures pour que Yuri Levitan annonce le retour du héros. Dans tout le pays, tous sont arrêtés de travailler. Seuls, l'oreille collée au poste de radio, rassemblés par dizaines, ils écoutent religieusement les dernières nouvelles. Ils célèbrent désormais le retour du héros. Dans toutes les villes, ils sont des centaines à crier leur joie, comme le raconte Victor Martineau, qui arrive essoufflé sur la place rouge. Je me trouve en ce moment. Je suis un peu à bout de souffle. J'ai laissé ma voiture et je viens de courir à travers la place rouge. Les moscovites et les soviétiques sont venus pour exprimer leur joie, leur enthousiasme. Vous entendez ces cris de joie. Ce sont pour la plupart les jeunes qui crient. Voilà, vous entendez. Gloire, gloire à la science soviétique, gloire à Yuri Gagarine. Eh bien, c'est la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité, le premier vol cosmique avec l'homme. Voilà, on me présente une jeune fille qui parle français apparemment. Oh, je ne sais pas s'il parle en français un tout petit peu, je ne sais pas ce que vous dites, mais c'est la grande victoire de notre science, le l'amphibie, notre homme soviétique dans le cosmos. Et nous sommes très contents, très heureux. Comment vous appelez ? C'est de grandes joies. Moi, je m'appelle Natacha. Nous saluons notre premier cosmonaute de notre pays. Nous les aimons et nous voulons tous les bonheurs pour lui. Alors que la place rouge s'embrase en Floride et à Washington, le soleil n'est pas encore levé. Il faudra attendre quelques heures pour obtenir la première réaction américaine. Le président Kennedy qualifie le vol spatial d'exploit technique extraordinaire. Il félicite les savants et les ingénieurs soviétiques qui ont rendu possible cette performance. Le visage de Yuri Gagarine fait désormais la une des quotidiens du monde entier. De l'Humanité au Times, du Monde à la Pravda, tous dévoilent le visage de cet homme inconnu. Sous un casque souple d'aviateur, on découvre alors des traits juvéniles, joyeux, des lèvres charnues et un large sourire. Après les photos officielles publiées dans la presse internationale, la première et celles qui suivront, Gagarine enfant, Gagarine aviateur, Gagarine mère et père de deux enfants, c'est la télévision qui lui ouvre les bras. Le 13 avril, son arrivée à Moscou est retransmise en direct dans de nombreux pays. C'est par exemple la première fois que Londres diffuse des images venues de Moscou en direct. En France également, l'événement est retransmis à la télé et sur les ondes France 1, ancêtre de France Inter, où le reporter Georges Vellet témoigne. Sous un soleil radieux, des milliers de moscovites l'attendent. À 11h, l'appareil, un Ilyushin, escorté par 7 avions de chasse, atterrit. La porte s'ouvre, Gagarine sort, sous les applaudissements, marche sur un tapis rouge, puis monte à la tribune. Il salue Nikita Khrouchtchev et prononce ces quelques mots. Camarades, premier secrétaire du comité central du Parti communiste d'Union des républiques socialistes soviétiques et président du Conseil des ministres de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je suis heureux de vous annoncer que la mission du comité central est accomplie. Le premier vol spatial de l'histoire a été réalisé à bord du vaisseau Vostok le 12 avril 1961. Tout a fonctionné parfaitement. Je vais très bien. Je me tiens prêt pour toute nouvelle mission. Major Gagarine. Après Après cette cérémonie, accompagné de sa femme et du premier secrétaire, Youri Gagarin prend la route vers la place Rouge, à bord d'une voiture décapotable, entourée de motards. La gloire, quoi. Des milliers de personnes l'acclament, lui jettent des fleurs des deux côtés de la rue. Jamais Moscou n'avait célébré aussi haut et fort un inconnu. Mais l'épilogue de cette histoire est terriblement prosaïque. Le 27 mars 1968, 7 ans après son exploit et le service après-vente de cet exploit, de nombreuses tournées mondiales, Gagarin se tue aux commandes d'un MiG-15 d'entraînement. Il rejoint Korolev, décédé 2 ans plus tôt lors d'une opération chirurgicale. L'un comme l'autre ne verront pas la dernière manche de cette course au cosmos, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, un jour d'été 1969. Gagarin et Armstrong, l'un comme l'autre, réconcilièrent la science avec l'imagination et les rêves. Et nous ne demandons qu'une chose, que la conquête de l'espace renoue avec cet horizon-là. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le vol de Youri Gagarin, le premier homme envoyé dans l'espace. Notre invité, c'est Yves Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en duplex des studios de France Bleu Orléans, qu'on remercie au passage pour leur accueil. Vous êtes l'auteur d'une biographie intitulée « Gagarin ou le rêve russe de l'espace » chez Ginkgo Éditeur. Alors, cette aventure de Gagarin avec l'espace, elle commence en 1960 en fait, hein, lorsqu'il est sélectionné avec 19 autres prétendants pour suivre les entraînements. Bien, mais que fait-il avant cette sélection? Quelle vie il a? il a la vie d'un gamin des campagnes russes. C'est un fils de moujik aux pieds nus. Il est né dans la région de Smolensk, dans un petit village qui s'appelle, vous l'avez dit, Klouchino, près de Gjatsk, la ville de Gagarine aujourd'hui. Et il a une enfance noire, c'est un enfant de la guerre. Vraiment une enfance noire, il connaît la misère, la faim, la violence, l'occupation nazie, puisque son village a été occupé par les troupes hitlériennes. L'isba familiale a été réquisitionnée, la famille a dû creuser une cabane sous terre pour survivre. Et tout ça est atroce. L'école est fermée, les manuels scolaires sont brûlés par les Allemands, parce qu'il y a toute une symbolique soviétique qui ne leur plaît pas. Il y a quatre enfants dans la famille, son petit frère Boris, un moment, est pendu par un Allemand, sa mère le décroche in extremis. Et ses souvenirs, bien sûr, restent gravés dans sa mémoire. Sa grande sœur, Zoya, son grand frère aussi, sont déportés. Les Allemands les emportent dans un camion et Yuri aura toujours en mémoire cette image de sa mère qui court après le camion et les Allemands qui, avec la crosse de leur fusil par-dessus la ridelle, frappent sa mère. Une enfance très très dure, très difficile. Alors on imagine ce qu'il a dû ressentir quand il a vu la Terre dans sa globalité, la boule, qu'elle est belle cette Terre, dit probablement Gagarine en se disant aussi une Terre de souffrance, quoi. Incroyable paradoxe. Et ils sont si peu dans l'espèce humaine à avoir vécu cette expérience. Et après la guerre et jusqu'à la sélection par les autorités soviétiques pour l'espace, que se passe-t-il dans sa vie? Eh bien, d'abord, il est sélectionné parce que il est élève officier. Il fait son service dans l'armée de l'air. Avant ça, il a un cursus scolaire assez court d'ailleurs. Et ça, je crois qu'il faut le souligner puisque il monte à Moscou pour être apprenti fondeur. Et finalement, le diplôme qu'il a en poche, c'est un CAP. Un CAP de fonderie, pourrait-on dire. Ça correspond dans le système scolaire français à la classe de 6e. Donc c'est vraiment... Et la classe de 5e. Ouais. La classe de 5e, il l'a faite par correspondance. Donc, si vous voulez, quand Gagarine est recruté pour aller dans l'espace, son curriculum vitae, c'est bac-4. Aujourd'hui, avec un CV comme le sien, personne ne le prendrait. Et même d'ailleurs, les astronautes, aux États-Unis, à cette époque-là, les Grissom, Chaffee, White et tous ceux qu'on connaîtra après, Armstrong, Lovell et compagnie, sont des gens qui ont des diplômes au niveau de formation scolaire, scientifique pour la plupart, j'imagine, mathématiques et puis de pilotage. C'est vraiment l'élite. Là, pour le coup, c'est pas le cas en Union soviétique. Non, et si aujourd'hui, les astronautes sont des gens surdiplômés. Et aujourd'hui, oui. Claudie-André Dehaye disait d'elle qu'avant de prendre le départ pour l'espace, elle avait un bac+17, ce qui était tout à fait conforme à la réalité. Gagarine, bac-4. Alors au bout du compte, qu'est-ce qui fait qu'il l'ait choisi? On l'a dit un peu dans le récit, mais peut-être pouvez-vous apporter des éclairages supplémentaires. J'imagine que ses concurrents aussi avaient un profil intéressant, sinon ils n'auraient pas été présélectionnés. Qu'est-ce qui a fait la différence? En un sens, le destin a parlé, parce qu'ils étaient 3000 au départ, sélectionnés par les chasseurs de tête de Korolev, qui faisaient le tour des bases militaires pour essayer de recruter des gens. Donc, de 3000, on est arrivé à une sélection finale de 20 hommes, et on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance. Il y a eu, vous l'avez dit, des paramètres objectifs de taille. Gagarine mesurait 1m59, il fallait faire moins d'1m70. Des impératifs de poids, il fallait peser moins de 70 kilos. Pour loger dans l'habitacle de cette petite boule qu'on appelait le Vostok, il fallait aussi quelques critères professionnels, mais là encore, quand il a été recruté, Gagarine n'avait jamais que 230 heures de vol à son actif et 5 sauts en parachute. Oui, rien quoi. Donc, c'était pas grand-chose. Et ces heures de vol, il les avait totalisées principalement à l'aéroclub de Saratov, où il a passé son premier brevet de pilote amateur sur un vieux coucou, un Yak 18. Donc, comme pilote, il n'était pas très confirmé. Korolev, quand il a rassemblé les chasseurs de tête pour leur donner un cahier des charges de recrutement, leur a dit « il me faut des aigles, pas des dégonflés ». C'était ça sa consigne. Alors, le jour de l'exploit, les journalistes n'ayant ni image ni son encore de l'événement, ont demandé, c'est normal, leur avis à certains scientifiques concernant l'exploit du jour, le vol de Gagarine. On va écouter ensemble un extrait de l'interview de Jean-Claude Pecker de l'Observatoire d'astronomie de Meudon. En ce qui concerne le vol de ce matin, proprement dit, je ne peux pas dire que l'on soit surpris, parce que tous les problèmes principaux avaient été résolus auparavant. Ce que je trouve de plus remarquable dans l'expérience de ce matin, c'est, si vous voulez, le degré de sécurité auquel on est arrivé. Car enfin, il y a quelques mois, on disait « Oh, quand on aura lancé un homme dans l'espace, on ne le saura pas avant qu'il ne soit redescendu sain et sauf ». Bien, ce n'est pas vrai. Ce matin, on a su que l'homme avait été envoyé dans l'espace bien avant qu'il soit redescendu. Et cela, à mon sens, est la preuve d'une maîtrise dans la technique astronautique très considérable. Croyez-vous que des hommes aient pu être lancés avant Gagarine sans qu'on l'ait jamais su? Je ne le pense pas. Pourquoi? Cela m'étonnerait beaucoup qu'on en ait pris le risque en dehors des conditions de sécurité requises, et par conséquent, comme on l'a fait ce matin, on l'aurait fait dans le passé, c'est-à-dire qu'on aurait annoncé le lancement de l'homme avant qu'il soit redescendu, et on aurait par conséquent appris l'échec aussi. Autre mœurs, autre époque. Hein. Aujourd'hui, à peine réalise-t-on un exploit qu'on est au courant avant même l'exploit. Bien. Alors, c'est la question du risque. Évidemment, on sait que dans la conquête spatiale, quand on transgresse, qu'on passe des frontières inconnues comme ça, par définition, il y a un risque. En même temps, il y a tellement de procédures technologiques, scientifiques, très très au point qu'on se dit que le risque est maîtrisé. C'est quoi ? C'était quoi pour Gagarine l'échelle du risque ? Elle était considérable. Les constructeurs du Vostok, après le vol, ont fait l'analyse des paramètres et ils en sont arrivés à cette conclusion que le taux de réussite de ce vol pouvait être estimé à 46%. Donc, en traduction, ça voulait dire que Gagarine avait 54% de risque de périr en vol. Et en un sens, d'une façon assez contradictoire, je dirais que il en était conscient en décembre de l'année 60, c'est-à-dire à 4 mois du top. Il y a deux Simiorka, c'était le lanceur hein, du vaisseau Vostok, dont les vols ont échoué avec des chiens à bord. Et ça, Gagarine le savait. Mais en même temps, malgré sa conscience qu'il avait du risque, il y avait en lui une espèce de foi de charbonnier qui lui faisait dire que tout allait bien se passer. Et puis il y a aussi le fait que Korolev, Sergei Korolev, hein, qui était le maître d'œuvre du Vostok, jouait un petit peu dans la biographie de Gagarine le rôle du père symbolique. Il y avait une relation très filiale. Hein, très très affective. Il a su lui donner confiance. Symbolique. Il a dû savoir lui donner confiance, j'imagine. Alors Korolev a su bien sûr donner confiance à Gagarine, et le contraire est vrai aussi, parce qu'on imagine la pression qui pesait sur Korolev et sa responsabilité. Et d'une façon assez amusante, eh bien il faut bien constater que ce jour du 12 avril, c'était Gagarine qui encourageait, voire consolait Korolev, en lui disant « le sourire aux lèvres avant le top, ne vous en faites pas, ça va bien se passer ». Et en étreignant Korolev à son retour, Korolev qui a fondu en larmes, en l'étreignant, en lui donnant la collade et en lui disant « allons, je vous l'avais bien dit ». C'était peut-être ça d'ailleurs sa plus grande qualité, la plus grande qualité de Gagarine, c'est cette sérénité affichée pour l'éternité, hein, pour l'histoire, et donc excellente pour l'image de l'Union soviétique. On envoie un type qui n'a pas peur, quoi. Et on sait que tout est symbole. Gagarine doit représenter la supériorité du modèle soviétique. Donc cette sérénité, c'était sa principale qualité finalement. Oui, avec une touche d'humanité qui l'a rendu célèbre. Il faut dire une chose, c'est que, je le disais en ouverture, la part de hasard, donc de destin, a été notable dans l'aventure de Yuri Gagarin. Mais il faut dire que s'il a été propulsé à cette altitude en termes de célébrité, il faut dire que sur le plan humain, il s'est révélé à la hauteur de sa notoriété, par ses qualités humaines, par son sourire, par la culture, parce que il était paysan. Mais en même temps, il avait une immense curiosité intellectuelle. Les études, pour lui, ça voulait dire beaucoup. Et d'ailleurs, après son vol, Korolev, Sergueï Korolev, l'a remis aux études. Parce que dans l'esprit de Korolev, un cosmonaute, un pilote d'essai, est quelqu'un qui doit connaître à fond sa machine. Donc il a fait des études à une académie d'aviation. L'Académie Joukovsky. Alors, chassé le naturel, il revient au galop. Les Soviétiques n'ont pas pu s'empêcher de mentir sur un point, parce que le 12 avril, les communiqués officiels qui racontent le vol parlent d'un atterrissage de Gagarine à bord du Vostok. Alors, pourquoi avoir menti, puisqu'il est éjecté du vaisseau à 7000 mètres et qu'il finit son vol en parachute? Alors, ils ont menti pour deux raisons. La première, il voulait faire accroire qu'il maîtrisait la technologie du retour à terre en douceur. La deuxième, c'est que tout simplement le record n'aurait pas pu être homologué au sens où il y avait une charte, un règlement, et que ce règlement exigeait le retour à terre de l'homme dans sa capsule, dans son vaisseau. Or, en 61, il faudra attendre 63 pour qu'on maîtrise l'atterrissage en douceur, le Vostok n'en était pas capable. Et donc c'est... Voilà, donc deux circonstances qui ont présidé à ce petit gros mensonge. Oui, et puis il y a aussi une culture du secret d'un côté et de la transparence de l'autre, une façon de communiquer, je parle des États-Unis et de l'Union soviétique, hein, autour de la conquête spatiale. Souvenez-vous de ces fusées avant l'envoi du premier Américain dans l'espace, Shepard. Souvenez-vous de ces fusées, de ces essais. On voyait les fusées décoller, à peine décoller, retomber lourdement, exploser. Et ça, les Américains le montraient, hein, alors que les Soviétiques ne faisaient jamais ça. D'ailleurs, le voyage de Yuri Gagarin, je crois, était tenu secret jusqu'au départ. Ce qui n'était pas du tout le cas des Américains quand ils ont envoyé des hommes dans l'espace. Il a été tenu secret de tous, y compris, vous l'avez dit, des proches, des intéressés. La propre épouse de Yuri Gagarin, Valentina, n'a eu connaissance de ce vol que par la radio. Et la lettre d'adieu de Gagarin dont vous avez donné lecture, qui est une lettre bouleversante, de vérité le montre bien. Tout cela était sous le boisseau. Et dans cette lettre, il dit notamment, mais après tout, chacun peut mourir en se faisant écraser dans la rue, je crois, il dit quelque chose comme ça. Et l'ironie de l'histoire, c'est que lui, il est mort de façon très prosaïque par rapport à son exploit, en tout cas, lui qui avait passé cette frontière de l'espace, mais il est mort dans un avion, tout bêtement. Alors, on va continuer à parler de la personnalité de Yuri Gagarin en écoutant une seconde archive, donc la dernière, c'était en 1967, 10 ans après Spoutnik. Gagarin répond aux questions du 20h de la télé française, l'ORTF. Alors on l'interroge sur le souvenir de cet événement, bien sûr, et puis sur l'avenir. On écoute ses réponses. Il est évident que dès que nous avons tous appris cette nouvelle, nous avons eu envie de devenir tous cosmonautes. Mais à dire vrai, il y avait peu d'espoir, puisqu'à notre avis, il devait se passer au moins 10 ou 15 ans avant que le premier vol spatial n'ait lieu. Mais comme vous avez pu le voir, la vie a dépassé nos prévisions. Une dernière question, Yuri Gagarin. On a un peu l'impression que vous êtes le chargé de presse de l'astronautique soviétique. Mais est-ce que vous continuez à vous entraîner? Est-ce que vous pensez refaire un vol spatial bientôt? Bien sûr, je continue mon entraînement de cosmonaute et j'espère bien pouvoir réaliser quelques nouveaux vols dans le cosmos, des vols qui me seront permis par mes capacités physiques et les autres capacités nécessaires pour être cosmonaute. Mais pour l'instant, je suis en forme. Eh ben c'est raté parce qu'il repartira pas dans l'espace. Pourquoi, Yves Gauthier? Il faut dire qu'après son vol, il est devenu un symbole vivant. L'ambassadeur de la cosmonautique soviétique et plus encore de son pays. Et pour cette raison-là, on l'a en quelque sorte déifié et statufié. et même en un sens placardisé, au sens où il était interdit d'avion, interdit de vol et interdit d'entraînement. Oui, il était plus utile dans la com que dans l'espace, si j'ose dire. Exactement, exactement. Bon, alors, dernière chose, mais je ne veux pas vous couper, finissez votre propos. Pour dire tout simplement que pour lui c'est un drame, et qu'il s'est battu pour reprendre les commandes d'un avion. Bien sûr. Et le destin a fait qu'il s'est crashé aux commandes d'un avion, d'un MiG-15. Mmh. Il est en train de voler pour valider son brevet de pilote. Gagarine, est-il le russe finalement le plus célèbre du XXe siècle? Quelle est sa place dans l'histoire de la Russie, devenue Union soviétique, puis redevenue Russie? Ah, je crois que la réponse, je vais vous répondre en russe, da. Oui. Gagarine, oui, elle est l'homme, le symbole de son siècle. D'ailleurs, il y a régulièrement en Russie des sondages d'opinion qui sont faits. Et quand on pose aux Russes la question de savoir quel est, à leurs yeux, le héros symbole de la Russie du XXe siècle, eh bien, régulièrement, Gagarine arrive en première position. 35% des personnes interrogées le citent en premier. Derrière lui, il y a un poète russe qui s'appelle Vladimir Vysotsky. Et en troisième position, Georgi Joukov, le maréchal Joukov. Oui, absolument. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Yves Gauthier. Je rappelle merci que à vous. Vous interveniez dans les studios de France Bleu Orléans. Merci, au revoir. Je voudrais juste remercier aussi Serge Vialet, réalisateur de la collection Mystère d'archives sur Gagarine. Notamment, nous avons pioché dans l'un de ses numéros qui était consacré à Youri Gagarine. Voilà, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.